Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Début janvier, on est 2 mois après la révolte des banlieues et l'État propose le plan de cohésion sociale qui est inclus dans le projet de loi Borloo. On se trouve donc à un moment où ça parle beaucoup des discriminations en France, il y a donc un enjeu très fort. Et l'État doit d'un côté respecter les normes et les lois internationales qui l'obligent à avoir l'air de vouloir régler le problème, donc par exemple à devoir créer des instances qui règlent les discriminations, mais dans le même temps, la stabilité intérieure de la France, elle repose sur l'inégalité des blancs et des non-blancs face à la République. Et puis après, politiquement, le thème des racailles, de la banlieue, de l'immigration, c'est celui qui occupe le plus le monde politique et qui sert à le cliver. Donc en aucun cas, le pays n'a l'intention de changer ça. Donc c'est cet équilibre que l'État recherche avec ce plan de cohésion sociale dans lequel il reconnaît qu'il y a des efforts à faire en matière de discrimination, mais en même temps, il se refuse à entendre le discours des banlieues qui disent « on nous impose un traitement d'exception ». Donc ce plan, il a une vision théorique de la République, il met complètement de côté la question du racisme structurel qui est abordée clairement en 2005, en 2006, et il n'a pas du tout l'intention d'inventer les bonnes solutions pour régler le contrôle aux faciès, pour régler les inégalités profonde entre habitants des banlieues et reste de la population, ça n'a jamais été son intention. Donc plutôt que faire ça, il va proposer plus de zones franches. Il va mettre en place la HALDE qui s'occupe des discriminations et puis aussi des délégués au préfet en charge de la politique de la ville. Et d'ailleurs, il aurait peut-être été plus judicieux de les appeler CAID dans le sens d'un indigène qui est nommé par les autorités coloniales pour administrer un territoire et sa corruption. Donc voilà, le plan de cohésion sociale dans le projet de loi Borloo, il n'y a pas grand-chose à en attendre. C'est plutôt le moment où des Noirs et des Arabes vont être propulsés en politique et dans l'administration à des postes importants, mais pour mettre en place une politique classique. Et puis en janvier, il y a aussi le fait divers sordide qui conduit à la mort d'Ilan Halimi. C'est donc la séquestration, la torture et le meurtre d'un jeune juif par une bande de jeunes filles et garçons qui ont cru que parce qu'il était juif, il aurait de l'argent et qu'en l'enlevant et en le séquestrant, ça leur permettrait d'obtenir une forte rançon. Bah, c'était un préjugé. Et ce fait divers, comme il s'en passe tous les jours de très sordide en France, il va prendre une dimension politique. Le ministre de l'Intérieur va s'emparer de cette histoire et ça va être suivi par toute la classe politique. Il y a aussi le fait que c'est une affaire qui dure plusieurs jours et donc les médias vont couvrir cette histoire pendant toute cette période. Mais surtout, l'antiracisme institutionnel va exploiter ce fait divers non pas pour défendre les juifs, mais par racisme envers les Noirs et les Arabes, puisque les auteurs étaient des jeunes de banlieue. Dans tous les discours qu'on entend à cette période, il y a 2 organisations qui vont se distinguer. D'abord, le mouvement des indigènes de la République, qui va dénoncer le traitement d'exception qui est accordé au racisme anti-juif, et selon eux, ça risque de construire les juifs comme des boucs émissaires potentiels, et donc creuser des oppositions entre les différentes composantes de la société. Une société qui reste hiérarchisée ethniquement et racialement. Et le MIR reprend les mots de l'appel des indigènes de la République de 2005 qui disait « Comme aux heures glorieuses de la colonisation, on tente d'opposer les berbères aux arabes, les juifs aux arabo-musulmans et aux noirs ». Sadri Khiari, notamment, met en garde contre l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Il dit que ça risque d'attiser l'antisémitisme dans la réalité. Et puis aussi l'Union juive pour la paix qui est prudent et qui n'évoque pas d'antisémitisme hâtivement, alors que le gouvernement, le monde politique et l'antiracisme institutionnel sont catégoriques, puisque ce sont des jeunes de banlieue, c'est forcément un motif antisémite. Ainsi, le 26 février, l'antiracisme institutionnel organise une manifestation de solidarité nationale pour Ilan Halimi. C'est à l'appel de la LICRA, SOS Racisme, l'UEJF, et ils sont rejoints par le CRIF, le Consistoire, le Bnaï Brit, la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement pour la paix et contre le terrorisme, le Conseil démocrate des musulmans de France, l'UMP et le Parti socialiste. Donc en ça, ils suivent leur ligne habituelle. Au mois de février, les mouvements anti-CPE continuent. le mouvement lycéen contre le CPE, il y a des universités aussi qui sont bloquées. Et à l'époque, la jeunesse dénonce la loi sur l'égalité des chances qui prévoit de précariser la jeunesse, qui cherche à étendre l'apprentissage chez les classes populaires. Et dans les revendications du mouvement anti-CPE, il y a aussi la demande d'amnistie pour les révoltés de novembre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif parce que ça met en échec la tentative du gouvernement à l'époque de monter la jeunesse blanche contre celle des banlieues. Toujours en février, cette fois du côté du Lyonnais, l'association Diversité organise un nouvel an culturel. Alors c'est un événement qu'elle a l'habitude d'organiser à cette période. Et cette année-là, ils vont la consacrer à la question des mémoires partagées. Donc c'est une ligne qui est complètement en phase avec la ligne du Tacti Collectif à Toulouse, qui est organisateur du festival Origines Contrôlées. Donc pour ce nouvel an culturel à Lyon, ils vont inviter Alice Cherki, qui est auteur d'une biographie de Frantz Fanon. Ils invitent aussi le réalisateur du film Fanon, une mémoire d'asile, et Pascal Blanchard, Jean-Claude Chikaya et Salah Amokrane. Mais l'événement fort de 2006, c'est surtout l'appel de Clairvaux. 10 condamnés à des longues peines publient cet appel, qui a été rédigé par Abdelhamid Hakkar. Dans ce texte, ces hommes réclament le rétablissement de la peine de mort. Ils disent qu'ils préfèrent mourir que vivre dans de telles conditions. Et pour eux, imposer à un détenu des durées de prison telles que les détenus n'ont aucune chance d'en sortir vivant ou lucide, c'est pire que la peine de mort. Et ils se mobilisent aussi parce qu'au niveau européen, des mesures viennent d'être votées en début d'année qui imposent aux pays membres de mettre en place des mesures pour que les détenus puissent progressivement revenir à la vie en milieu libre. Et quand les gens ont été condamnés à de longues peines, ces règles européennes obligent l'administration à les préparer à la libération ou au moins à les préparer à la conditionnelle. D'après cet appel de Clairvaux, passé 15 ans de prison, les peines n'ont plus aucune valeur dissuasive. Si les gens ne sont pas complètement brisés, ils auront développé une telle haine du système que, de toute manière, s'ils se trouvent dehors, ça va entraver leur liberté. Et c'est ce qui fait dire à Abdelhamid Hakkar que, après 15 ans, les détenus se trouvent clochardisés, donc dangereux quand ils sortent. Or, derrière les barreaux, souvent ils ne peuvent pas travailler. À Clairvaux, c'est une centrale où il y a 170 détenus qui effectuent de longues peines, et c'est surtout une des prisons qui a le régime carcéral le plus sévère en France. Là-bas, on trouve aussi les détenus considérés comme dangereux. Et c'est une prison qui est tellement vétuste, elle est censée fermer d'ailleurs en 2022. Et pour donner un aperçu de la condition de ces détenus de Clairvaux, à l'époque, leur appel a eu un fort retentissement dans la presse. La ministre de la Justice l'a évoqué, elle a dénoncé une manipulation, mais Abdelhamid Hakkar a dû demander à son avocat si l'appel avait eu des répercussions parce qu'il n'avait absolument pas accès à la presse. Et donc, c'est encore un exemple qui prouve que la prison, c'est un état d'exception. Alors, je vous lis un extrait de cet appel, ça disait « Nous, les emmurés vivants à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, dont aucun de nous ne vaut un papon, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Nous préférons encore finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. » Et à l'époque, Pascal Clément, garde des Sceaux, avait posé la question « Si on les prenait au mot, combien se présenteraient ?» Ils lui ont répondu « Chiche, venez ici avec la guillotine. » Et au mois d'août, la famille d'Abdelhamid Hakkar va protester contre le ministre de la Justice, l'accusant d'avoir fait échec à une demande de libération, et ils disent que ce sont des représailles à l'appel de Clairvaux. L'État n'a pas fait que ça, et ils ont fait transférer le détenu à 1000 km de sa famille, donc il s'est retrouvé à Lannemezan. Comme c'est un homme qui a appris le droit en prison pour se défendre, au mois de juillet, il a réussi à faire casser cette décision et à se rapprocher partiellement en obtenant un transfert dans le département du Rhin. Jean, il est vrai, j'avais reconnu par rapport à la sortie, à une sortie de chaise, il ne faut pas laisser sortir quelqu'un qui a fait des peines extravagantes ou importantes de manière comme ça. Moi, j'ai eu un bracelet. Ouais. Ce bracelet, c'est vrai qu'on me l'a gardé un an, j'ai estimé qu'au bout de 6 mois que c'était trop parce que je n'avais pas de vie sociale, affective et haute, etc. Mais les 6 premiers mois, ça va. Parce que j'en prenais au quotidien plein la gueule, je ne comprenais rien. Mon cerveau, moi qui ai été dans un bocal de formol pendant 27 ans, qui est habitué à une information, à un événement au quotidien, là, je me retrouve avec un milliard d'informations à gérer. Donc, j'étais dépassé, c'est le terme. On ne peut pas oublier 28 ans, surtout dans les conditions où je les ai passés. Voilà, et donc, oui, sur le nombre des places, il faut le définir, il faut définir les moyens. Il faut définir des responsabilités. Il faut faire, puisqu'on nous prend que des choses qui nous arrangent dans tel ou tel pays sur des matières économiques ou alors répressives, bah, qu'on fasse aussi comme dans certains pays, notamment d'Europe, qu'on dise à des magistrats et même à des surveillants de prison de venir passer 2-3 jours en prison, vraiment. Comme ça, on sait ce que c'est l'enfermement absolu. En février 2006, c'est aussi l'affaire des caricatures du prophète. En septembre 2005, un journal danois avait publié les caricatures de 12 dessinateurs. Donc d'après eux, depuis l'assassinat d'un dessinateur hollandais en 2004, les journaux se censuraient. Ils publient donc des caricatures du prophète et une grande manifestation de protestation a lieu à Copenhague. En mois de décembre, un groupe pakistanais met à prix la tête des dessinateurs et des imams danois vont chercher du soutien à l'international et au mois de janvier, plusieurs ambassadeurs demandent à rencontrer le premier ministre danois et ce dernier refuse. Alors, plusieurs titres européens vont publier les caricatures pour faire bloc derrière les Danois. Et c'est le cas de Libération, France Soir et Charlie Hebdo. Libération va n'en publier qu'une partie, tandis que Charlie Hebdo va toutes les publier et y ajouter celles de ses dessinateurs. À la même période, le mouvement des indigènes de la République appelle à manifester devant l'Assemblée nationale pour dénoncer l'oppression et les discriminations produites par la République postcoloniale. C'est aussi le mois où est publié le livre noir de la double peine. Et début mars, 12 militants publient le Manifeste des 12. Dedans, on retrouve Chala Shafik Beski, Caroline Fourest, Bernard-Henri Lévy, Taslima Nasrin, Salman Rushdie, Antoine Sfer, Philippe Val, et ils dénoncent l'islamisme en tant que totalitarisme religieux mettant en danger la démocratie à la suite du fascisme, du nazisme et du stalinisme. C'est suivi par une pétition contre le nouvel obscurantisme, coécrite par Pierre Cassin, Corinne Lepage et Caroline Fourest. Donc pour eux, l'islam intégriste gagne du terrain en France, en Palestine et en Égypte. Ils appellent à distinguer arabes et musulmans, ainsi que musulmans et intégristes. Pierre Cassin et Caroline Fourest veulent se battre, je cite, « à la fois contre le racisme et contre l'intégrisme, tous les racismes, anti-arabes comme anti-juifs, anti-femmes ou anti-homosexuels, et tous les intégrismes de toutes les religions. » Et dans cette pétition, parmi les signataires, évidemment, on va retrouver tous les ultras de la laïcité de tous les camps politiques, et la LDH d'ailleurs dira que c'est une pétition qui diabolise l'islam. Puis, le 7 mars, Sadri Khairi sort pour une politique de la racaille immigrée, indigène et jeune de banlieue. C'est vraiment un essai essentiel dans lequel l'auteur explique des notions qui sont devenues aujourd'hui très utilisées, comme le champ politique blanc. Et dedans, Sadri Khairi décrit l'injonction paradoxale du système qui enjoint les immigrés à s'intégrer, mais qui en même temps fait tout pour que cette intégration soit impossible. Il explique aussi très précisément ce que veut dire blanc, qui n'est évidemment pas une notion biologique. Il définit, par exemple, concrètement, ce que ça signifie être blanc, comme dans le slogan « travailleurs français et immigrés, même patron, même combat ». Où la différence entre les travailleurs français et les travailleurs immigrés, c'est que l'un est blanc et l'autre est post-colonisé. Dans ce livre, il réaffirme aussi comment le traitement des populations issues de la colonisation prolonge la figure de l'indigène, mais évidemment ne s'y réduit pas. Et surtout, il s'attaque au mythe de la République et de l'égalité, et il revient en détail sur les réactions que l'appel des indigènes a créées. Et pour lui, ce sont des réactions qui permettent de montrer des fractures qui existent, mais qui auparavant était invisible à l'œil nu. Il décrit aussi l'obsession de la racaille en France et le rôle que cette obsession a dans la manière dont la nation française et la République se construisent et se pensent. Et puis, il redéfinit aussi ce que ça veut dire pour les indigènes, la lutte, ce qui relève de la lutte, et ça change complètement notre regard sur notre réalité sociale et surtout raciale ici en France. C'est vraiment une contribution intellectuelle majeure pour l'immigration. Sadri Khairi a posé les bases de la lutte à laquelle on participe aujourd'hui. Il l'a fait de plein de manières. Et il y a au moins une preuve, et c'est le marché du livre qui le montre. La plupart des ouvrages dont je vous parle ici, les ouvrages de Pierre-André Taguieff, tous les brûlots islamophobes des années 2000, ont subi une décote importante. La plupart des livres dont je vous parle ici valent aujourd'hui autant qu'un café chez Starbucks. Tandis que celui de Sadri Khairi, aujourd'hui, il est collector et il se vend à 5 fois son prix de sortie. Et à l'époque, LMSI avait publié l'introduction. LMSI, c'est le site de Pierre Thévagnan, les mots sont importants. Et vous trouverez le lien vers l'introduction en référence de ce podcast. Quant au mouvement des indigènes de la République dont il est issu, depuis son agora en 2005, il continue son action, partant du principe qu'il n'y a aucune force politique, ni aucun syndicat qui s'est intéressé suffisamment aux oppressions qui sont vécues en France par les populations issues de la colonisation. Donc lui, il en prend acte et il appelle à s'organiser de manière autonome. Et le MIR explique bien que cette autonomie, c'est une nécessité pour pouvoir ensuite construire des alliances saines à égalité. Et c'est important de revenir sur cette notion d'autonomie. Elle est vraiment née de décennies d'expérience en France où chaque fois que les indigènes et l'immigration construisaient des mobilisations, les organisations blanches cherchaient à l'encadrer ou à en prendre les rênes et tentaient de mettre les gens en lutte à la place de grands témoins. C'est arrivé par exemple aux résidents des foyers Sonacotra quand ils ont organisé leur grande grève coordonnée sur tout le territoire. C'est arrivé à la plupart des luttes indigènes. Donc c'est cette expérience de récupération, de mobilisation par des organisations ou des syndicats blancs qui utilisent ces initiatives pour pouvoir illustrer leur analyse du monde trotskiste, léniniste, maoïste ou que sais-je. En tout cas, partant de tout ça, le mouvement des indigènes de la République se donne pour ambition de construire une communauté politique, c'est-à-dire qui réunit les victimes de racisme et leurs alliés autour d'intérêts communs. Puis, au mois d'avril, un grand concert est organisé au Bataclan, c'est le concert à toutes les victimes. Parce qu'en 2006, un des principaux sujets de mobilisation, c'est la demande d'amnistie pour la jeunesse en lutte. La jeunesse du CPE, mais aussi la jeunesse des banlieues, parce qu'une partie du mouvement social considère que ce qu'ils ont fait n'était pas politique. Le collectif à toutes les victimes, il s'est créé immédiatement après les émeutes. À l'époque, ils ont un site internet qui est très actif sur les questions de répression politique. Et avec l'association Diversité de Lyon, ils organisent un concert militant au Bataclan à Paris pour récolter des fonds qu'ils vont reverser aux personnes incarcérées qu'ils appellent les victimes de la répression. Le mouvement des indigènes, le mouvement de l'immigration et les banlieues et Assez le Feu sont présents et tiennent une table pendant le concert. Donc pour À toutes les victimes, cette révolte, elle a eu le mérite d'ouvrir le débat sur les questions de chômage et de discrimination. Mais, disent-ils, aujourd'hui certains le payent très cher, puisqu'il y a eu 5200 arrestations et 800 personnes incarcérées. Pendant ce concert, une trentaine de groupes de musique vont se succéder sur la scène de 15h à 22h, et puis il y aura aussi évidemment des prises de parole. La représentante du collectif À toutes les victimes, c'est Ouria Bentouami, qu'on connaît comme philosophe et chercheuse féministe décoloniale. À l'époque, elle explique que cet acte de rébellion était un acte politique, pas un acte criminel gratuit. Elle dit « l'amnistie, qui ne signifie pas impunité, ce serait une reconnaissance de cet acte politique et ce serait aussi un premier pas vers la réconciliation. » Et Ouria Bentouami condamne toute violence institutionnelle ou autre. Elle dit que sur plus de 3000 jeunes majeurs et mineurs présentés à la justice au moment des émeutes, 868 personnes ont été écrouées, dedans il y avait 118 mineurs. Samir Mihi, qui est de l'association clichoise Au-delà des mots, a constaté que certains jeunes étaient innocents, mais ils ont été incarcérés parce que les commissariats avaient obligation de faire du chiffre. Au balcon du Bataclan, une banderole « Pas de justice, pas de paix » a été accrochée. Et dans les prises de parole, les indigènes rappellent que les jeunes se sont soulevés pour avoir droit à la justice, pas à la répression. Et ils disent que les jeunes ont le droit, eux aussi, à une insurrection contre un gouvernement tyrannique. Parmi les nombreux artistes, on entendra notamment le groupe RS4 de Clichy, qui vient de la cité François Rabelais, et eux chanteront « Mort pour rien », un morceau qu'on entendra en fin d'épisode. C'est un morceau qui n'est pas très connu, pourtant il est particulièrement juste et puissant. C'est un très bel hommage rendu à Ziad Ebouna et au-delà à toutes les victimes de crimes policiers ainsi qu'à leurs proches. Et je vous recommande aussi d'aller regarder le clip, qui témoigne de la lutte de Clichy avec beaucoup de pudeur. Et c'était il y a 16 ans. Vous remarquerez que personne ne prend la pose, personne ne joue la star. C'est une communauté qui apparaît très soudée. Et des artistes prestigieux sont d'ailleurs venus poser sur le morceau, Akhenaton, mais aussi Kerry James, sur qui les gens en lutte ont toujours pu compter. Et Ouria Bentouami rappelle d'ailleurs qu'il y a besoin des artistes. Les rappeurs, les chanteurs de reggae ou même de rock qui sont là permettent de politiser un cri et de faire prendre conscience à l'opinion publique que ce n'était pas une révolte pour rien. Et Samir Mihi, lui aussi, explique que c'est de ne pas écouter les banlieues quand elles dénoncent l'injustice qui crée ces explosions. Parce que quelle autre solution est-ce qu'il reste alors ? Et dans cet événement, on voit converger des organisations qui sont très diverses. Certaines sont révolutionnaires, d'autres prônent l'inscription sur les listes électorales, mais elles ont convergé autour de cette exigence d'amnistie. On y rencontre aussi Laurent Mucchielli, qui a publié en mars 2006 un ouvrage sur ces révoltes qui s'appelle « Quand les banlieues brûlent ». Et à l'époque, il était très pessimiste sur la capacité de l'État à entendre et à prendre en compte cette colère. D'autant que le discours dominant de la société, c'était celui d'une violence gratuite. En tout cas, toute notre reconnaissance fraternelle à la Scred Connexion, StrikeAdi, MAP, Hachim, Axiom, Youssoupha, Charlie Bauer, Chadenpo, Telema, Kual, Kalalou, Sound System, Kidam, Manu Baobab, 5 Magnifiques, Julien Lemaire, Boulawan, Meheza, Poète Maudit, 26 Hall, Collectif High, La Mégarde et Tiwoni qui sont venus poser pour ce concert. C'est immédiatement après, le 11 avril, qu'Assez le Feu lance son Tour de France. Puisque en novembre, à la faveur des révoltes, beaucoup d'initiatives étaient nées, qui se présentaient comme des réponses au malaise des banlieues. Or, on se trouve aussi à 2 ans des présidentielles. Début 2006, c'est la période de pré-campagne. Et on sait que depuis 1988, le vote des banlieues et de la jeunesse de l'immigration, il est très convoité. Il y a donc, par exemple, Devoir de mémoire qui fait campagne pour inciter à s'inscrire sur les campagnes électorales. Il y a aussi Rachid Nekaz qui était dans cette démarche et qui, en décembre 2005, avait été reçu à Matignon. Donc, comme lui, émergent des acteurs qui se positionnent comme des relais entre la colère des banlieues et le monde politique. Ainsi, on avait évoqué la dernière fois Banlieue 69, mais il y a aussi Assez le Feu qui, dès le printemps, fait une tournée des banlieues avec un bus et recueille des doléances des habitants des quartiers. Ces doléances, elles vont parler de discrimination, d'emploi, de police, de CPE, etc. Assez le Feu, c'est l'acronyme de Association du collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble et Unis. C'est un collectif qui a vocation à recueillir la parole des Français qui habitent là où certaines classes politiques ne vont. Bon, sachant que c'est très vague, pour évidemment éviter de se faire taxer de communautariste, et en même temps, c'est un peu maladroit de dire que ça s'adresse aux Français, puisque le pays, la France, n'est pas peuplée que de Français. Assez le Feu va d'ailleurs apparaître dans le documentaire de Yamina Benguigui sur le plafond de verre, c'est un film qui défend l'intégration professionnelle de l'immigration. Et donc, Assez le Feu va aller partout en France, avant de déposer le 25 octobre leur cahier de doléances à l'Assemblée nationale. Mohamed Mechmech dit que ce cahier est un outil de démocratie participative et il est important que nous, citoyens, on en soit à l'origine. Toujours en avril, cette fois c'est le mouvement de l'immigration et des banlieues qui est à la Bourse du Travail de Saint-Denis pour fêter ses 10 ans d'existence. On y trouve des militants d'associations de quartier de toute la France qui sont réunis et qui partagent leur expérience. Mognis Abdallah, qui est présenté dans la presse comme un des cofondateurs du mouvement, dit « Non, il n'y a pas de dépolitisation des quartiers, il y a simplement un isolement. Nous n'avons pas souhaité nous exprimer lors des émeutes de novembre 2005, car nous ne voulions pas apparaître comme un porte-parole de ces jeunes. Nous ne sommes pas là pour parler à leur place, d'autant que la tranche d'âge concernée n'est pas encore représentée au MIB. Nous ne sommes pas du genre à profiter de la situation. » Il y a aussi Pierre Didier Tchétchéapéa d'Agora qui explique que déjà après la mort de Thomas Claudio en 90 à Vaux-en-Velin, ça avait commencé par la colère, puis des projets avaient été mis en place et proposés aux politiques et aux maires ainsi qu'aux adjoints. Je cite Pierre Didier Tchétchéapéa « Suite à cette frustration, ils ont décidé d'agir en autonomie et ils ont commencé à militer politiquement, à présenter des listes indépendantes aux élections cantonales et régionales. Aux dernières cantonales, ils ont remporté 10% des voix. Leur but est de créer un véritable rapport de force politique afin de faire entendre leur voix et leur position quant aux changements et aux sujets qui les touchent directement. À cette rencontre, on entend aussi Samir Baloudj de Bouge qui bouge à Damary-l'Élysée qui explique que dans sa ville, il y a eu récemment un mort dans une course-poursuite avec la police, mais qu'ils ont réussi à tenir la cité. Et il a le sentiment, Samir Baloudj, qu'en 2006, les banlieues sont en train de passer de l'associatif au politique. Quant à Tarek Kaoutari, cofondateur et militant du MIB, il dit « Il y en a marre de pleurnicher sur notre sort, essayons de porter ces luttes nous-mêmes ». Et il prône l'autonomie et l'indépendance. Il dénonce aussi les négociations clientélistes entre certaines associations et les partis politiques. Sur ce point, Pierre Didier Tchétchéapéa répond que les banlieues sont des miroirs grossissants de la société. Il dit « Nous voulons articuler ces expériences locales sur un mouvement national autonome. C'est pourquoi nous allons mettre en place une université d'été et un forum social des quartiers populaires. » Et enfin, Sakina Barra appelle à penser par nous-mêmes et nous réapproprier la place politique. Le 21 avril, à la date anniversaire du choc de Le Pen au deuxième tour des présidentielles, Olivier Besancenot et Salah Amokrane copublient dans Libération un texte qui dénonce la répression d'État contre la jeunesse avec le CPE ou la révolte des banlieues. Pour eux, cette jeunesse, elle a en commun de refuser la précarité comme perspective d'avenir, et ils disent « c'est un quasi mai 68, on doit entendre la jeunesse ». Et même si cette colère a parfois dérapé, il ne faut pas monter les banlieues contre les centres-villes. Il y a besoin de rester unis pour tacler les politiques sécuritaires, xénophobes, et pour exiger l'amnistie pour tous, pas seulement pour le mouvement anti-CPE. 5 jours plus tard, le mouvement des indigènes de la République appelle à la marche du 8 mai. Donc le MIR fait désormais partie du paysage politique français, il y est même très visible puisque son existence et ses prises de position sont commentées par tous les bords politiques et il doit aussi régulièrement essuyer des attaques, il est accusé d'être communautariste, sexiste, antisémite, délinquant, islamiste. Voilà, ses militants ne se laissent évidemment pas intimider et redoublent d'action. Cette année-là, ils lancent un journal, une chaîne online. Ils publient toujours sur leur site des textes politiques, mais ils sont aussi présents en librairie et ils continuent de créer un front antiraciste, postcolonial, anticolonialiste et anti-impérialiste. Et donc tout ça, ça met en mouvement des associations musulmanes, des collectifs de quartier, des organisations afrodescendantes, des travailleurs maghrébins, des luttes de sans-papiers. C'est vraiment totalement inédit, cette convergence-là. Et ça se construit à travers des initiatives comme cette marche du 8 mai, qui rend hommage aux luttes qui nous ont précédées et qui d'ailleurs, cette année-là, en 2006, est placée sous le signe de Toussaint l'Ouverture. C'est une initiative qui donne à voir une unité des forces antiracistes indigènes et de leurs alliés. Je vous lis un extrait de cet appel à la marche. Les thèses de l'appel des indigènes ont d'abord été confirmées par les luttes de ces derniers mois. La révolte des quartiers populaires, les luttes des sans-papiers, les luttes pour le droit au logement, les mobilisations en France et aux Antilles contre la loi inique du 23 février 2005 qui réaffirme l'œuvre positive de la France coloniale, les mobilisations contre la loi sur l'égalité des chances. Ces lois ont montré également la nécessité pour les populations issues de l'immigration postcoloniale de prendre en charge leur destin, de s'organiser, d'unir leurs énergies pour constituer une force politique autonome. Les sans-papiers, les immigrés parqués dans des foyers insalubres et dangereux, les habitants des quartiers, les jeunes confrontés aux brutalités policières, les ouvriers étrangers, derniers embauchés, premiers licenciés, les personnes issues des dom-tom, les musulmans interdits de pratiquer leur foi, tous ont un adversaire commun, la politique de ségrégation raciale mise en œuvre par la République dans la continuité de son passé colonial. Les luttes des populations issues de l'immigration et des quartiers ne pourront imposer un changement que si elles convergent au sein d'une dynamique autonome. Donc vous voyez, l'autonomie est encore au centre, au cœur. Et en 2006, le mouvement va être très impliqué évidemment contre la criminalisation des révoltés de novembre, mais aussi contre l'islamophobie subie par exemple par les bagagistes de Roissy qui subissent un traitement d'exception. C'est une année faste du côté des luttes antiracistes puisque quelques jours plus tard, le 29 avril, c'est une grande journée d'action nationale contre l'immigration jetable. Un projet de loi sur l'immigration est en préparation et dans ce projet de loi, il y a l'idée d'une immigration choisie, où le pays ne ferait entrer que la main-d'œuvre dont elle a besoin. Ça voudrait dire que tous les droits fondamentaux des étrangers seraient bafoués. Le droit de vivre en famille, le droit de se marier, d'avoir des enfants, d'étudier. Et ce projet, il inclut la réforme du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'on appelle le CESEDA. Et Sarkozy, qui porte ce projet de loi, envisage l'immigration comme une immigration jetable. Dans ce projet, il y a par exemple l'idée que le maire va évaluer le degré d'intégration des résidents, que le regroupement familial va être rendu impossible, il y a une logique de suspicion qui est intensifiée. Et on ajoute des obstacles pour la venue des étudiants étrangers et aussi pour l'obtention du statut de réfugié. Donc c'est une journée d'action très importante qui va rassembler très largement le mouvement social, mais aussi la population civile, puisque presque 100 000 personnes vont signer cette pétition. Au mois de mai, Ahmed Boubekeur produit un ouvrage sur l'exercice du culte musulman en France. C'est un livre qui a été commandé par l'État et qui est publié à la Documentation française. Il est financé par le FASILD, le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. Ahmed Boubekeur le coécrit avec Franck Frégosi, qui lui a fait un travail de terrain pour observer les conditions d'exercice du culte musulman en France. Lui s'est concentré sur les lieux de culte et sur les carrés musulmans. Ahmed Boubekeur, lui, il a enquêté pour proposer une typologie des pratiques de culte dans le Rhône, où il a constaté qu'on serait passé de l'islam des caves à l'islam des jeunes de la troisième génération. Du côté de la mémoire de l'esclavage, le 10 mai, c'est la première fois qu'en France est célébrée la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. C'est une date qui a été préférée le 10 mai au 27 avril 1848, qui était la date d'abolition définitive de l'esclavage en France. Et il va y avoir, au mois de mai, de nombreuses manifestations impulsées par l'État ou complètement autonomes. Alors du côté de l'autonomie, il y aura bien sûr le convoi pour les réparations en Martinique, mais aussi en France, et il va aller de République à Nation puis à la rue Delgrès. À la fin du mois de mai, c'est le début de la lutte pour les Chibani. L'émission Ici et là-bas de France Inter va s'associer à l'association Diversité, à Rouet à cœur ouvert et au mouvement de l'immigration et des banlieues pour lancer l'appel Justice et dignité pour les Chibani. Ce sont des organisations qui sont irritées de voir que les initiatives sur la mémoire de l'immigration et de la colonisation se multiplient sans cohérence et sans substance politique. Ils dénoncent ce qu'ils appellent du commémoratisme, et là-dedans, ils font référence à l'inauguration de la Cité nationale de l'immigration, mais aussi aux films de Yamina Benguigui qui sont très largement loués. Ils disent « Les Chibani et la question coloniale deviennent une rente pour certaines structures ou personnalités qui les convoquent uniquement pour remplir les lignes budgétaires de leur dossier de subvention avec la caution des pouvoirs publics en charge. » Mais dans le même temps, les anciens, la première génération, vivent dans une précarité énorme et en plus, l'administration leur met constamment des bâtons dans les roues pour empêcher qu'ils accèdent à leurs droits, que ce soit pour des aides au logement, à la retraite, à la couverture santé, etc. Et c'est une lutte qui va durer quelques années et qui va même aboutir à une victoire, notamment à Toulouse, où les Chibani gagneront une lutte contre la CARSAT. Toujours au mois de mai, plusieurs collectifs de gauche se réunissent à Bègles au rendez-vous de Terre-Neuve. Ils viennent partager leur expérience politique et c'est un événement qui est assez énorme et qui ressemble un petit peu à l'esprit du Larzac avec plusieurs débats pendant ce week-end. On y trouve Amé de la Rumeur, Tarek Kaoutari du MIB et Salah Mokran qui ont aussi fait le déplacement et qui viennent y parler des mouvements de révolte de novembre 2005, toujours dans cette démarche de convaincre les organisations de gauche que ça avait un caractère politique et qu'on fait de la politique dans les quartiers. Noël Mamer et Didier Lapéroni sont aussi présents pour échanger avec eux. Et Tarek Kaoutari dit « Dans les banlieues, il y a une histoire, il y a une mémoire. Et quand il se passe une bavure, faire justice, ce n'est pas donner 20 ou 30 ans de prison à quelqu'un, c'est soutenir, c'est montrer que c'est important pour tout le monde, qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se passe. » Tarek Kaoutari reproche à la gauche d'avoir abandonné les banlieues et de les avoir stigmatisées à travers le voile, le machisme et la violence. Et avec d'autres militants, il a d'ailleurs observé que les actions pour inciter à voter ont fonctionné. Hein, ce qui avait été organisé à Clichy avec Jean-Pierre Bacri, Joe Star et Jamel Debbouze, hein, qui étaient allés passer ce message en octobre 2005 à l'invitation de Devoir de mémoire, ça a payé parce qu'il y a eu 800 inscrits supplémentaires en 2 mois à Clichy. Quant à Salah Mokran, il déclare qu'il faut résorber la fracture entre le mouvement populaire et les quartiers. Et pour ça, il faut l'émergence d'une force politique autonome de ces quartiers-là. Donc on voit qu'en 2005, une organisation autonome de l'immigration est née, le MIR, qui s'est donné pour objectif central la lutte contre le racisme systémique. Ce sont des indigènes qui proposent que s'organisent ensemble les sans-papiers en lutte, les descendants de colonisés, les descendants de déportés africains, les banlieues, les travailleurs immigrés, etc. C'est une organisation qui reconnaît que le racisme prend des formes différentes et que les luttes s'organisent autour de ses spécificités. Les travailleurs immigrés militent ensemble, les noirs militent ensemble contre la négrophobie, les musulmans contre l'islamophobie. On peut d'ailleurs être tout ça à la fois. Simplement, ces luttes, elles s'organisent à partir d'une condition concrète particulière. Et d'abord, on reconnaît cette spécificité, et ensuite, le projet politique, c'est d'amener ces différentes luttes à comprendre qu'elles ont en commun le racisme, à le reconnaître et à se constituer en front pour le combattre. Ça, c'est le projet du mouvement indigène, et c'est un projet qui est inédit en France. Tandis que là, les révoltes des banlieues, elles vont faire émerger une autre volonté d'organisation autonome, cette fois plus propre aux banlieues, avec un discours sur les inégalités sociales, plutôt que sur le racisme. Sur cette ligne-là, cette ligne politique, on va retrouver les tactiques collectives, des gens du Lyonnais qui sont proches de diversité, des militants du mouvement de l'immigration et des banlieues. En tout cas, entre ces deux projets, le seul point commun, c'est celui de mettre l'autonomie au cœur du projet politique. Le reste est radicalement différent. D'ailleurs, du côté des banlieues, ça s'échauffe toujours, cette fois-ci du côté de Clichy et de Montfermeil, où des échauffourées vont opposer des jeunes aux forces de l'ordre à Montfermeil et à Clichy-sous-Bois après une perquisition musclée menée par la police dans la cité des Bosquets, et où d'ailleurs, auparavant, le maire avait illégalement interdit tout rassemblement de plus de 3 jeunes. Au mois de septembre, Robert Redeker publie dans Le Figaro « Face aux intimidations islamistes, que doit faire le monde libre ?» Alors, qui était Robert Redeker avant ça? Un prof de Saint-Orens. Alors, évidemment, on ne sait pas ce qu'est Saint-Orens. C'est une toute petite commune près de Toulouse. C'est vraiment la France profonde. Alors, moi, le seul type de Saint-Orens que j'ai jamais rencontré, c'était un pépé qui roulait les R. Robert Redeker intervenait régulièrement sur la radio communautaire locale et dans quelques revues comme Les Temps modernes. Et c'était quelqu'un qui était contre la pédagogie déferlante, contre la sociolâtrie, la lâcheté de l'époque aussi. Donc voilà, politiquement, on arrive à le situer un petit peu. Il avait écrit quelques textes, mais toujours outrancier, mais jamais à ce point. Et cette tribune va vraiment changer sa vie. Dans cette tribune, il développe une thèse qui est très proche de celle de Pierre-André Taguieff, c'est que le totalitarisme communiste a été remplacé par celui islamiste, et l'Europe est en danger. Il écrit « L'Occident se retrouve sous surveillance idéologique », parce que Robert est en colère, ce qu'il a lu sur l'islam dans l'Encyclopédie universaliste, le glace d'effroi. Il écrit que le Coran est un livre d'inouïe violence. Tandis que pour lui, le christianisme est amour. Il dit « Aucune des fautes de l'Église ne plonge ses racines dans l'évangile. Jésus est non-violent. Le retour à Jésus est un recours contre les excès de l'institution ecclésiale. Le recours à Mahomet, au contraire, renforce la haine et la violence. Jésus est un maître d'amour, Mahomet un maître de haine. On ne peut plus aller en petite tenue à Paris-Plage ni caricaturer l'islam. La mixité n'est pas possible à certains horaires de piscine. La liberté de penser et de s'exprimer est en danger en Occident. » Donc vous en doutez, c'est pas un très bon texte, hein, complètement excessif, caricatural. Et puis c'est la même démarche que Taguieff, c'est-à-dire que ça vise les militants de gauche non islamophobes, à qui il dit « Aujourd'hui, à nouveau, des intellectuels incarnent cet œil du Coran comme ils incarnaient l'œil de Moscou hier. Ils excommunient pour islamophobie comme hier pour anticommunisme. » Et puis, au calme, il dit du prophète qu'il est pillard, massacreur de juifs et polygame. Donc le ton insultant de Redeker est choisi très délibérément. Et évidemment, il va avoir l'effet escompté, de très nombreux musulmans vont se sentir insultés. Certaines de ces personnes vont dénoncer la diffamation des religions en évoquant l'islamophobie. Et ça, c'est une tactique qui permet d'amalgamer les deux. Diffamation des religions et islamophobie. Et ça permet de taxer la lutte contre l'islamophobie d'une attaque liberticide. Et ça fonctionne, parce que le lendemain, la Tunisie interdit le journal Le Figaro pour offense à l'islam. Des menaces de mort sont lancées par des organisations d'Al-Qaïda, des appels à assassiner Robert Redeker circulent avec son adresse, et il devient le nouveau Salman Rushdie. À l'époque, Robert Redeker écrit à un ami que sa vie est devenue un cauchemar, qu'il se fait héberger, il doit se cacher, il est sous protection policière. Et pour lui, finalement, c'est la démonstration de ce qu'il évoquait dans son texte. Ce qui m'est fait correspond tout à fait à ce que je dénonce dans mes écrits. L'Occident se retrouve sous surveillance idéologique de l'islam. Alexandre Adler, Pierre-André Taguieff, Alain Finkielkraut, André Glucksmann, BHL, Claude Lanzmann et d'autres s'émeuvent de sa situation et demandent aux croyants et particulièrement aux musulmans de le protéger. Évidemment, tous les native informants vont répondre présent, tandis que le syndicat enseignant SNES va se désolidariser de Redeker. Mouloud Aounit va dénoncer une libération de la parole islamophobe, incarnée à la fois par le texte de Redeker et la tribune de Adler, Taguieff, Finkielkraut et les autres. Le ministre de l'Éducation, lui, va se déclarer solidaire de Robert Redeker, mais il va considérer qu'en tant qu'enseignant, Redeker aurait dû se montrer prudent, modéré, avisé en toutes circonstances. Et après ça, Robert Redeker va se sentir seul et abandonné. Il va donc demander au syndicat enseignant de se bouger et il va obtenir que la FSU publie un communiqué qui dit « Quoi que chacun puisse penser du contenu de cette tribune, le recours à la menace de mort est inadmissible et la liberté d'expression doit être fermement défendue dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de la loi. » Et Philippe de Villiers va même demander à Jacques Chirac d'héberger Robert Redeker à l'Élysée. Alors du côté de Saint-Orens, ça se passe tout à fait différemment. À son lycée, Robert Redeker a été remplacé. Ses élèves ne sont pas du tout inquiets. Ils disent que c'est le professeur qui est visé, c'est pas du tout le lycée. Donc pour eux, la vie n'a pas changé. Il y a un jeune Benjamin qui dit à la presse « En faisant ça, je pense que l'enseignant savait ce qu'il attendait. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'exposer en cours ses idées, il n'est pas très neutre. » Et une collègue prof de philo va l'enfoncer en disant à la presse « Quand on est philosophe, on ne doit pas mêler le mot liberté à toutes les sauces. » Le maire de Saint-Orens va lui reprocher d'avoir signé son texte en tant que professeur au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens de Gameville, ce qui est une manière de désigner son lycée et son village. Quant à la LDH, elle déclare « Monsieur Redeker nous a habitués à de tels débordements qui traduisent son peu de rigueur intellectuelle comme sa haine de l'islam et des musulmans. L'on ne saurait admettre que quiconque, fût-ce en raison d'idées nauséabondes, soit l'objet d'intimidation de quelque nature qu'elle soit, on ne combat pas les idées de Monsieur Redeker en le transformant en victime. » tandis que le CRIF va partir en campagne pour que Redeker puisse enseigner. Et le 16 novembre à Toulouse, il va y avoir un très grand meeting de soutien à Robert Redeker à l'initiative du CRIF Toulouse, dont le représentant à l'époque est Arié Ben Semoun. Ni Pud ni Soumise sera représenté par Mohamed Abdi. Il y aura aussi le maire de la ville, Jean-Luc Moudinc, BHL, Pascal Bruckner, Philippe Val, Claude Lanzmann. Et juste avant le meeting, Redeker passe au journal TV de France 2, puis il fait une apparition surprise au meeting. Enfin, quel courage! Philippe Val est là. Il dit que c'est parce qu'à l'époque, Charlie Hebdo a un procès sur le dos pour des caricatures et il trouve que le texte de Robert Redeker restait dans le cadre de la loi républicaine contre le racisme ou la diffamation. Quant à Claude Lanzmann, il a trouvé qu'il fallait affirmer l'intelligence dévoilante du philosophe Redeker. Septembre, le mouvement contre le terrorisme commémore les attentats de New York. Donc ce mouvement contre le terrorisme, il était déjà à l'appel en début d'année de la manifestation du CRIF pour soutenir Ilan Halimi. Et à cette commémoration du 11 septembre, on va trouver un personnage intéressant, François Zimmeret. À l'époque, il est président de la communauté d'agglomération de Rouen. Et c'est surtout quelqu'un qui a été député européen socialiste de 1999 à 2004. Et quand il était député européen, un de ses combats, c'était que le contenu pédagogique des ouvrages scolaires palestiniens, financés par l'Europe, soit contrôlé. À cause de son extrémisme, il a perdu l'investiture socialiste et donc son siège de député européen. Mais dans ce combat, il a trouvé une politique alliée sur la même longueur d'onde que lui, en la personne de Corinne Lepage, et oui, cette femme politique qui coécrivait en début d'année un brûlot avec Caroline Fourest et Pierre Cassin. Donc tous les deux, François Zimmeret et Corinne Lepage, se trouvent ensemble à cette commémoration du 11 septembre, organisée par le très radical mouvement contre le terrorisme. En septembre, toujours, le film Indigène sort au cinéma. Il est réalisé par Rachid Bouchareb, qui est un bon réalisateur, à qui on doit le très réussi Little Sénégal. Mais bon, Indigène est un blockbuster consensuel, mais qui a le mérite de représenter des aspects méconnus de l'histoire en France, et notamment les massacres de Sétif et Guelma. Mais Bouchareb omet de dire que la participation des soldats qu'on voit dans le film a été imposée majoritairement. Beaucoup de ces soldats ont été réprimés ou menacés de mort s'ils ne s'enrôlaient pas pour la France. Donc bon, pour le français moyen, ce film c'est un gros geste, hein, une grosse avancée que de tolérer un film où on ne voit que des Nord-Africains à l'image, sur un épisode qui remue leur mauvaise conscience, mais ça reste un message grand public qui n'a pas de propos très clivant, et c'est cette absence de propos qui va être récompensée, hein, puisque le film non seulement fait un succès dans les salles, mais il est aussi primé et reçoit des distinctions. C'est d'ailleurs un film que Jacques Chirac a adoré. Au mois de novembre, Finkielkraut passe en procès pour des propos qu'il a tenus sur Radio J au mois de mars, au moment où Dieudonné était en visite dans les Caraïbes. Finkielkraut avait tenu des propos racistes sur les victimes antillaises de l'esclavage qui vivent aujourd'hui de l'assistance de la métropole. C'est Hassanif Assassi du COFAD, le collectif des filles et fils d'Africains déportés, qui s'est porté partie civile contre Finkielkraut, et le procès a lieu ce mois de novembre. Mais le COFAD avait aussi porté plainte contre Elisabeth Lévy, Paul Naon et Antoine Perrault pour injure publique raciale et atteinte à la mémoire des morts, parce qu'ils avaient affirmé que la cérémonie organisée à la mémoire des 152 victimes martiniquaises de la catastrophe du 16 août 2005 au Venezuela était une cérémonie compassionnelle ridicule. Puis, en novembre, le festival Origine Contrôlée à Toulouse continue de creuser la question de la mémoire et de l'histoire de l'immigration. Il s'appuie sur des travaux historiques pour déconstruire les représentations négatives de l'immigration, et puis il cherche à faire aussi un travail de transmission. Pour cette troisième édition, ils vont particulièrement travailler sur l'histoire militante, l'histoire des luttes, parce qu'ils auraient constaté que la jeunesse des banlieues ignore l'histoire de ces combats. Mais pas seulement, hein. Selon Salah Mokrane, l'idée selon laquelle les immigrés n'auraient pas lutté est très répandue, alors que c'est une idée fausse. Il pense donc qu'il faut la combattre. Pour ça, il va inviter Missi Djataou du MTA, Abdelali Hajat, jeune chercheur et militant de l'histoire de l'immigration, et puis l'historienne Laure Pitti. Dans ce débat intitulé « Lutte des travailleurs immigrés, expérience de l'autonomie et relations avec les syndicats », le Tacti Collectif nous dit qu'ils vont s'interroger au présent, sans analogie excessive, sur la pertinence de l'autonomie politique comme instrument de lutte. Pour eux, la transmission d'une histoire politique, sociale, culturelle des banlieues et de l'histoire d'immigration est nécessaire. Et puis, le festival va aussi proposer un point de vue féminin avec un débat sur la participation et le rôle des femmes dans les luttes pour l'égalité et contre le racisme, auquel participeront Salih Mara, Alima Boumdian Thierry, Adjera Lakahal et Sakina Baha. Les Tactiques Collectifs organisent aussi un colloque au Conseil Régional de Midi-Pyrénées sur les mémoires de la colonisation, où il y aura deux tables rondes. Une première table ronde sur l'histoire des Outre-mer, à laquelle participent Pascal Blanchard, L'Hortelière, Salah Mokran, Nicolas Bancel, Gilles Botch, Nordine Boubaker, Jérôme Catala, Eric Deroux, Philippe Guillaume, Didier Laperroni, Alem Sur Garcia, Jean-Claude Chikaya, Patrick Veglia et Mohamed Zenjebili. Et puis un deuxième débat sur les cultures des Suds, où là on retrouvera Nicolas Bancel, Salah Mokran, Frédéric Calins, Hafid El Alaoui, Driss El Yazami de Générique, Philippe Etienne, Mortar Kachour, Yann Leformat, Rachid Mangeli, Olivier Noël, Ramiro Pereira, Claude Sicre et L'Hortelière. C'est un colloque où ils vont constater que le nombre de projets liés à la mémoire de l'immigration explose. Le représentant de l'accès dira que en 2002, il y avait 3 ou 4 demandes pour tout Midi-Pyrénées, alors qu'en 2006, il y en a 60. Ça veut dire que l'État rend plus d'argent disponible, plus de crédits pour travailler sur la mémoire de l'immigration. Et donc, c'est une des raisons qui peut expliquer l'attrait soudain d'associations pour la mémoire de l'immigration. En tout cas, les Tactiques Collectifs, eux, s'intéressent aux chansons de l'immigration aussi. Ils vont d'ailleurs diffuser le documentaire Trésor de Scopitone. La démarche du Tactique Collectif, c'est vraiment de se saisir de la question des discriminations et de l'inscrire dans l'histoire de l'immigration, non pas pour la travailler comme le ferait un historien, mais plutôt pour en faire une question politique, sociale, culturelle en elle-même. On peut quasiment parler d'une institutionnalisation de cette question, qui, pour eux, à l'époque, n'existe que comme une question mineure ou comme un genre culturel mineur ou bien comme problème. Il faut garder à l'esprit que les Tactiques Collectifs sont des acteurs culturels qui essaient de croiser les formes d'expression. Ils s'intéressent aux productions de l'immigration, que la société considère comme des genres mineurs, et ils sont dans une démarche de réhabilitation de ces cultures, de valorisation de ces cultures, par exemple en faisant accéder les cultures immigrées à des lieux du patrimoine. Après, Salah Mokran est aussi un acteur politique. À l'époque, c'est un élu motivé qui est d'ailleurs signataire de l'appel des indigènes de la République et membre du collectif local indigène. Et motivé, c'est plutôt l'endroit où il fait de la politique, tandis que le Tactique Collectif est le lieu où c'est un acteur culturel et où, dès lors qu'on gère une structure avec des salariés, avec de l'activité, avec des partenaires, des financeurs, la question du politique, elle devient compliquée, d'où la double action. L'action culturelle à travers le Tactique Collectif et Origine Contrôlée et l'action plus politique à travers Motivé. Et pour la troisième édition de ce festival, les Tactiques Collectifs vont là s'engager plus avant dans la mise en avant d'expériences qui montrent le foisonnement social, politique, culturel des quartiers populaires et de l'immigration. Donc ils sont vraiment sur le terrain des représentations. Ils essaient de combattre le regard misérabiliste ou méprisant que la société pose sur les banlieues. Puisque les gens de droite méprise les banlieues et l'immigration. Bon, en 2006, c'est loin d'être un secret. Mais à gauche, c'est pire parce que c'est du paternalisme, c'est du mépris déguisé en bienveillance, ce qui est assez insupportable. Or, les Tactiques Collectifs sont des militants de gauche. Contrairement au mouvement des indigènes de la République, ils se positionnent à gauche. Donc ce travail de réhabilitation de l'immigration et des banlieues, ils le font aussi et surtout vis-à-vis de leur camp politique. L'Humanité a l'habitude de couvrir le festival Origine Contrôlée. Cette année-là, il raconte que plusieurs fois, Salah Mokran a posé la question « Est-ce qu'on peut laisser dire que nos pères ont été silencieux ou dociles ?» En disant ça, il fait référence aux années 70, aux travailleurs immigrés qui ont lutté pour des logements décents, qui ont lutté contre les crimes racistes, pour la liberté et les droits des femmes. Et pour eux, les chansons de l'immigration, c'était aussi une forme d'expression de l'immigration, comme l'étaient les chansons de Slimane Azem. Donc on ne peut pas laisser dire qu'ils n'ont pas lutté. Avec cette édition, Origine Contrôlée publie aussi une revue. Cette fois, ils le font seuls, sans Respect Magazine. Donc éditorialement, elle a été construite à 100% par le Tactique Collectif. Et dedans, évidemment, ils évoquent largement les révoltes. Ensuite, puisqu'on est un an avant les élections présidentielles, 2 ans avant les municipales, ils se doutent que l'immigration va prendre beaucoup de place dans les campagnes électorales et ils cherchent pour cette raison à créer des espaces d'échange et de réflexion. Dans cette revue, on peut lire le journaliste Nordine Cherfi, qui raconte l'édition 2005 du festival où Christiane Taubira ou Nassira Guenif étaient intervenus. Pascal Blanchard y écrit aussi sur le livre qu'il vient de sortir. Mognis Abdallah publie des articles sur la chanson de l'immigration et il rappelle aussi à quel point c'est important que les organisations, les luttes fassent du travail d'archives pour que la mémoire ensuite puisse être retracée. Et puis enfin, Abdelali Hajat revient sur les trois éléments qui pour lui sont les événements essentiels de l'histoire des luttes. La grève des loyers Sonacotra, le MTA et Convergence 84. Et Abdelali Hajat est très indigné de voir que les subventions des pouvoirs publics vont aux entrepreneurs de mémoire. Alors lui, il vise, quand il dit ça, les gens qui racontent une mémoire dépolitisée pour en faire un gagne-pain. Il est très sévère avec la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et pour lui, l'institutionnalisation de l'histoire de l'immigration est une bonne chose à condition qu'elle soit bien faite. Parce qu'elle pourrait faire des luttes de l'immigration une histoire légitime. Donc il est tout à fait raccord avec la démarche de légitimation qui est faite par le Tacti collectif. Et d'ailleurs, pour lui, ces trois événements, grève des loyers Sonacotra, MTA et Convergence 84, ce sont les premiers mouvements citoyens de jeunes Français issus de l'immigration maghrébine et africaine. Après, c'est un jeune scientifique. C'est l'analyse qu'il a tirée de l'étude de l'histoire des luttes. On peut évidemment être ou ne pas être d'accord avec ce choix-là. Et puis l'année 2006 se termine dans l'élégance avec Pascal Sevran, qui à l'époque est un animateur télé très populaire, qui animait une émission de variété rétro. Et cette année-là, il publie un livre dans lequel il écrit « Le Niger, safari photo insoutenable, des enfants, on en ramasse à l'appel dans ce pays, est-ce un pays ou un cimetière ? Pays où le taux de fécondité des femmes est le plus élevé au monde, 9 enfants en moyenne par couple, un carnage ». Les coupables sont facilement identifiables, ils signent leurs crimes en copulant à tout va. La mort est au bout de leur... Ils peuvent continuer puisque ça les amuse. Pascal Sevran a choqué délibérément, la presse l'interview et le type s'enfonce en déclarant « Et alors ? C'est la vérité. L'Afrique crève de tous les enfants qui y naissent sans que leurs parents aient les moyens de les nourrir. Je ne suis pas le seul à le dire, il faudrait stériliser la moitié de la planète. » Donc c'est bien à l'image de l'année où entre Finkielkraut qui fustige l'équipe de France Black Black Black et ce genre de sortie, la négrophobie est très décomplexée. Le MRAP va évidemment porter plainte, le collectif d'hommes demandera que Sevran perde sa légion d'honneur, tandis que la LICRA, elle, va plutôt soutenir, notamment en invitant Finkielkraut à un événement sur le vivre ensemble qu'elle organise dans l'année. Et puisqu'on parle de la LICRA, où en est l'antiracisme institutionnel fin 2006 ? Il est d'abord très impliqué sur la question du Darfour, avec notamment Françoise Zimmeret qui prend une part décisive dans l'organisation de la campagne européenne pour cette cause. Donc à l'époque, la situation au Darfour, elle préoccupe la communauté internationale qui soupçonne qu'il s'y passe un génocide. Simplement, les différents camps politiques vont avoir une lecture différente de ce qui s'y passe. Certains y voient un conflit entre Africains et Arabes. D'autres y voient un conflit entre islam radical et islam modéré. Les anti-impérialistes, eux, considèrent que les ressources pétrolières dans la région sont au cœur du conflit, qu'il y a aussi l'ethnicisation des conflits, qui est une tactique classique des Occidentaux. Ils rappellent que quand les Anglais ont colonisé la région à la fin du 19e pour s'approprier les ressources, ils y ont appliqué la politique classique de division coloniale. Et ça voulait dire qu'ils ont fait du Nord un endroit où l'arabe et l'islam ont été maintenus, et la capitale y a été installée, tandis que le sud a été soumis à l'assimilation forcée. Et les divisions que ça va créer vont former le terreau des tensions civiles à suivre. Quand le Soudan devient indépendant dans les années 50, il est formé par deux territoires, un territoire africain christianisé et animiste, et un territoire arabe et islamique. Une première guerre civile a lieu, qui aboutit à la création d'un État fédéral, et c'est à ce moment-là que la société américaine Chevron, fin des années 70, découvre des gisements de pétrole. Les frontières vont alors être modifiées pour permettre l'exploitation, et ça va faire exploser un nouveau conflit entre le Nord et le Sud. C'est donc le troisième conflit, la troisième guerre civile qui explose dans le pays, et cette fois c'est dans la zone du Darfour qui est peuplée de tribus nomades musulmanes et arabophones, comme les Janjaweed, qui eux sont à la recherche de ressources. C'est cette situation de recherche de ressources qui crée les conflits, c'est donc ni religieux ni ethnique. Donc ceux qui dépeignent ça comme un conflit d'arabes qui massacrent des Africains, ils se trompent totalement. Mais ceux qui font ça, on sait que ce sont les défenseurs d'Israël, qui se saisissent de tout conflit, qui vont permettre d'alimenter une islamophobie et une arabophobie délirantes. Et ils cherchent aussi toutes les situations où ils peuvent faire des Arabes de vrais racistes. Hein. Et c'est donc ce qu'ils vont faire en plaquant sur le Darfour un schéma complètement erroné. On retrouve à porter ce discours des gens comme BHL, Caroline Forest, mais aussi François Zimmeret, qui vont être très impliqués dans les campagnes de type « Sauver le Darfour ». Il y a un autre élément qui permet de dire que c'est l'antiracisme institutionnel qui fonctionne, c'est que c'est aussi d'un intérêt français de mener ce type de campagne, puisque la Chine est déterminée à engager des échanges commerciaux avec le Soudan, et le Soudan, les Occidentaux considèrent que c'est leur pré carré, tout comme le reste du continent africain. Il y a donc convergence des intérêts extérieurs de la France avec ceux des sionistes qui cherchent d'une part toute opportunité de criminaliser l'islam, mais qui aussi défendent les intérêts israéliens. Or, à cette époque-là, ce qui se passe dans la région du Nil est de la plus haute importance pour l'État d'Israël. Et le deuxième événement très important pour l'antiracisme institutionnel en 2006, c'est la dissolution de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Donc c'est une commission qui existait depuis 1947 et qui prenait des mesures en matière de droits de l'homme. Elle a notamment impulsé la Convention internationale des droits de l'enfant. Et en 2003, des élections régulières ont permis à la Libye d'emporter la présidence de cette commission grâce notamment aux voix de l'Algérie, de Cuba et du Soudan. Et ça a créé un tollé chez les Occidentaux. Pourtant, c'est quelque chose, une élection qui s'est passée dans les règles. Mais on le sait, les nations blanches, elles n'acceptent pas de jouer à égalité. Donc une forte campagne va être orchestrée pour disqualifier cette commission au motif que des pays ne respectant pas les droits de l'homme devraient en être exclus. Or, la France ne respecte pas les droits de l'homme. Les USA ont actuellement des gamins en cage, victimes d'abus sexuels et de trafic de prostitution dans des centres de rétention. USA, France et droits de l'homme, c'est totalement antinomique. Et cette campagne, elle va payer puisque en 2006, la commission est dissoute et elle est remplacée par un conseil des droits de l'homme où il faut respecter un certain nombre de critères pour pouvoir siéger. Il n'y aura donc que 47 membres élus à bulletin secret et à majorité absolue par l'Assemblée générale pour 3 ans. Mais l'autre raison pour laquelle cette commission est dissoute, c'est Durban. Durban qui était organisé par cette commission, qui a respecté les principes théoriques des droits de l'homme et toute cette expérience a donné un fort coup de chaud aux nations blanches. Donc elles font comme font toujours les racistes, elles changent les règles. Et donc, une fois que la commission des droits de l'homme à l'ONU est remplacée par ce conseil sous contrôle, alors la conférence de revue de Durban peut être programmée. Puisque donc, pour rappel, quand la déclaration de Durban a été votée, l'idée c'était de faire le point quelques années plus tard sur les actions menées par les pays, parce que le processus de l'ONU il impose aux pays de rendre compte quelques années plus tard de l'avancée des actions. Donc, maintenant que ce n'est plus la Commission, mais le Conseil sous contrôle, en décembre 2006, la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies adopte, sur la base d'un vote favorable des pays européens, une résolution qui charge le Conseil des droits de l'homme d'organiser la conférence d'examen de Durban en 2009. Et on sait évidemment que les membres du Conseil vont faire tout leur possible pour que ça ne se passe pas comme en 2001. Et qui ça intéresse en France ? L'antiracisme institutionnel. Dès qu'elle entend que Durban 2 est planifié, la LICRA met en place un groupe de travail. Pour certains c'était des potes et pour d'autres des petits de la cité. Mais seulement un sur trois a survécu dans l'électricité. Ça a été une réalité dure à accepter. Le 27 octobre Ziad et Bouna nous ont quittés. 17 ans et 15 ans, eh, trop jeune pour partir. Trop jeune pour dire à tout le monde on ne se reverra qu'en dehors de cette terre. Vu qu'on est tous des hommes, on passera tous tôt ou tard par la mort mes frères. L'homme fuit la police par peur jusqu'à perdre la vie. On doit se poser des questions, moi je suis juste un mec qui donne son avis. Je suis là pour, on a tous vu au moins une fois les civils déraper comme des barges dans la cour. On se comprend plus de la tout part. Quand même nos ministres désignent les gosses innocents, coupables. Aujourd'hui je frémis parce que j'ai 3 enfants et garde ce dernier verre car je sais ce que sentent les parents. Mon Dieu, je pense à Ziad et son accent blédard, son sourire gentil et son pull à capuche chinois. Toujours serviable et jamais en colère. On l'appelait lance-bière. Il avait une force d'homme, frère. Je pense à Bouna, toujours avec Aruna. Tout le temps chaîne pointue, pourtant il habitait la Pama. Respect aux familles, Traoré et Bénin. Le ghetto est en pleurs, j'en perds mes mots. À la Lermo. On veut savoir ce qu'il s'est passé. On veut nous cacher la vérité. Toute une communauté sous haute tension. De vie gâchée sans explication. Une famille perd son enfant. Impossible d'oublier que même avec le temps. Bouna, Zira, paix à vos âmes, paix à vos âmes. Oh, oh, oh, paix à vos âmes. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Sous ce son rap, on est 17, Zika, Bouna et Ziyad. Non, j'ai du mal à croire, j'ai du mal à voir ton place Bouna gravé sur du marbre. Je t'en rappelle chaque soir des bêtes de dark à sous brocade. Histoire des capitales, t'avais une tête de plus que moi. Amateur de moto, danseur de passy hall. À fond dans l'ego, va et l'ego. De jour en jour, je deviens fou. Dans ma tête, de bon moment en boucle. Demande à tous depuis que t'es parti. Je ris, mais y'a plus quoi à rire. Tu manques à la famille. À chaque hier prix, je prie que Dieu vous ouvre les portes du paradis. Sur ce, j'ai les nerfs, B2G, courageux, parole de frère. Hier, j'ai croisé l'émotion. Elle touchait le front. J'ai croisé des jeunes, j'ai croisé des mères. Donc j'ai croisé le monde. J'ai croisé les doigts, crois-moi, j'ai prié ma sœur. J'ai pris ma feuille, j'ai pris mon cœur. Et puis j'ai crié ma peur. L'amour est fiable et tu le sais. La guerre est bad, elle est lui, vous êtes Bouna. Toi et moi, on est Ziad, on est des anges, on est des grands. On est les enfants qui dérangent avec le cœur. On s'en chante pour tous ceux qui nous manquent. Nous sommes épuisés par les pleurs, à peine 15 ans à fleur de vie Bouna. Ça fait drôle de plus te voir en roue arrière sur ton vélo. Boucle d'oreille, ça fait gosse, projet lancé des projectiles pour vous venger. Mais rien ne vous a réveillé, Ziad. Où est passée ta tête qui nous écoutait le soir à la fenêtre du premier étage. Parlez pas trop, trop sage. Tristesse, dépit, faiblesse nous ont envahi. La France est en feu, le ghetto pleure de des siennes. La colère est dans les yeux, deux enfants sont morts pour rien. Une pensée pour eux, lions nos deux mains. Que Dieu leur ouvre la porte des cieux et que ça n'arrive plus demain. Y'a des écoles qui brûlent et des voitures sans base. Ok, brûlons là mais pas l'histoire de base. Boulet, il y a deux enfants morts avant l'âge. Elle tue sans vergogne, moi ça me fout la rage. Moi j'en mets deux potos qui sont partis trop tôt. Quand je regarde leurs photos, un frisson me montre au dos. On ne vous verra plus en mode puce à la cité. Ça fera bizarre mais c'est une triste réalité. Ziad et Bouna malheureusement nous ont quittés. Qu'ils demeurent au paradis pour l'éternité. En attendant j'ai perdu deux de mes refrains. Si c'était à refaire ce couplet ben je le referais. À mes potes Ziad et Bouna, reposez en paix. Aïe Rahman. Bon c'est pour mes filles. Ma présence n'a rien d'honorable, elle est juste normale. Je serai toujours auprès des miens, tant qu'ils auront mal. Ce que je vois dans le studio, c'est beau, c'est grand. Les miens se sont finis, mais pas dans l'autodestruction. Parce que les miens ont une force, ils sont les seuls à ignorer. J'attends le jour où ils vont se lever, s'élever dans leur réserve. Fasse miséricorde à nos frères, il y a des bonnes nappes. Faut voir comment respecter leur mémoire. Pour mon aisiat, et pour ma prime envers son calculat. Partageons la douleur. La souffrance des familles qui pleurent. Comprendre ce qu'il s'est passé. Exposer la vérité au grand jour. Que ce fardeau soit moins lourd. Ooh, oh yeah. Bouna et Ziad, reste dans nos cœurs à tout jamais.